sauf de l'autoprotection, il est essentiel à vivre selon la voie de compassion, harmonie, lumière, et bonne volonté à vous-même et tous de l'avenir. La grande lumière que se brille dans la ciel journée crie silencieusement, Chil y a beaucoup plus que nous savons, et nous avons dossier et nous sommes petits par rapport à la céleste. Il faut que vous viviez prêt pour chaque émotion que vous provoquez à une autre âme à sentir à revenir à vous-même par moyen plus haut avec temps, ou aurez profonde remords persistantes. Le jugement des actions de chaque âme est à la étendue de particularités que vous devez vivre préparer pour chaque émotion que vous causez une autre âme à sentir à revenir à vous-même par moyen plus haut avec temps. Le jugement des actions de chaque âme est une réalité inévitable. Comme chaque saison arrive à sa fin, toutes les souffrances terminera. La grande lumière que se brille dans la ciel journée crie silencieusement. Chil y a beaucoup plus que nous savons, et nous avons dossier, et nous sommes petits par rapport à la céleste. Il faut que vous viviez prêt pour chaque émotion que vous provoquez à une autre âme à sentir à revenir à vous-même par moyen plus haut avec temps, et vous serez honoré, restauré, bien-aimé, célébré, et aurez immense extase durable. Le jugement des actions de chaque âme est une réalité inévitable. Comme chaque saison arrive à sa fin, toutes les souffrances terminera. Le code d'harmonie.